Dossier 8. Leçon 1. Activité 7. Noël, c'est l'époque des jouets. Et Claire Langevin vient de publier justement un article très intéressant sur les jouets, paru dans le dernier numéro du magazine Parents d'aujourd'hui. Bonjour Claire. Bonjour. Oui, dans mon article, je soulève le problème suivant. Que faire des jouets dont nos enfants ne se servent plus? Excellente question, en effet. Nos chers petits grandissent vite, et bien souvent leurs jouets à peine utilisés n'offrent plus d'intérêt pour eux. Exactement. Ou bien ils envahissent l'espace, ou encore les parents les jettent, tout simplement. Ça, c'est plutôt nul comme attitude. Oui, c'est vrai. Et je considère qu'il est plus utile de donner aux jouets une seconde vie. Il faut que les parents aient tous un comportement responsable et qu'ils comprennent que, si ces jouets ne servent plus, ils peuvent faire le bonheur d'autres enfants. Alors Claire, quelles sont les solutions possibles? Je pense que le plus simple, c'est de se tourner vers les associations, comme le Secours Populaire, qui collecte les jouets toute l'année. On peut peut-être aussi les donner à des hôpitaux pour enfants, non? Ah non! Pour les hôpitaux, ça ne marche pas. Je suis certaine qu'ils ne prennent que les jouets neufs. Mais on peut aussi faire don des jouets usagés aux ludothèques. Ces sortes de bibliothèques qui prêtent des jeux et des jouets. Il en existe forcément une près de chez vous. Ça m'étonnerait que tous les parents veuillent se séparer gratuitement de jouets qui souvent ont coûté très cher. Dans ce cas, on leur suggère de les revendre dans les brocantes, les vides-greniers, ou dans les bourses aux jouets qui se déroulent souvent dans les écoles ou sur les places des villes. Ah oui, bonne idée aussi. Il est vrai que, d'une façon générale, nos sociétés consomment trop de jouets. Ce n'est pas votre avis? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il est essentiel que les parents soient éco-responsables, qu'ils achètent moins et mieux. Le bon jouet doit être simple pour susciter l'imagination des enfants, contrairement aux jouets trop perfectionnés qui limitent le champ d'utilisation. Le bon jouet doit être solide, lavable, réparable pour durer longtemps. Il doit être aussi utilisé, partagé, puis, quand les enfants ont grandi, être transmis. Eh bien, merci Claire pour ce voyage au pays des jouets. Merci à vous.